drôle. Ah si, moi ça me fait rire. À Toulouse pendant 5 ans. Et tu veux pas. Tu veux pas. Mon clavier il est mort là, tu veux pas mettre en 60 là. Bah oui. Mon clavier il est mort. T'es déjà quoi? Non, il est en 80. T'es déjà quoi? Comme ça, chacun rentre sa place. Moi, je vais tourner tranquille. Le monde le connaît. C'est le village qui a fait un respect, quoi. Bon respect pour Bob Dylan, quoi. Moi je fais juste les accords. Et après chacun se branle comme il veut. D'accord? Ok Marcello. Tu peux faire ça pour moi ou pas? Non mais pas 60, pas 60. Non ouais, voilà, t'as pas compris. 60 tempo en fait. Là on a 80 en fait. En 16 à 60. 16 BPI à 60. Voilà. C'est pas compliqué que ça.